en marchant rapidement. Le père, la mère et les enfants étaient autour de la table, occupés à plier des étoffes. Je jetai la paire de bas sur la table, ce qui fit rire Alain et Ned. « Voici une paire de bas, dis-je, que Capi vient de voler, car on a fait de Capi un voleur. Je pense que ça a été pour jouer. » Je tremblais en parlant ainsi, et cependant je ne m'étais jamais senti aussi résolu. « Et si ce n'était pas un jeu ?» demanda mon père. « Que ferais-tu, je te prie ?»« J'attacherai une corde au cou de Capi, et quoique je l'aime bien, j'irai le noyer dans la Tamise. Je ne veux pas que Capi devienne un voleur, pas plus que j'en deviendrai un moi-même. Si je pensais que cela doive arriver jamais, j'irai me noyer avec lui, tout de suite. » Mon père me regarda en face, et il fit un geste de colère, comme pour m'assommer. Ses yeux me brûlèrent. Cependant, je ne baissai pas les miens. Peu à peu, son visage contracté se détendit. « Tu as eu raison de croire que c'était un jeu, » dit-il. « Aussi, pour que cela ne se reproduise plus, Capi désormais ne sortira qu'avec toi. » Chapitre 16. Les beaux langes ont menti. À toutes mes avances, mes frères Alain et Ned n'avaient jamais répondu que par une antipathie hargneuse. Et tout ce que j'avais voulu faire pour eux, ils l'avaient mal accueilli. Évidemment, je n'étais pas un frère à leurs yeux. Après l'aventure de Capi, la situation se dessina nettement entre nous, et je leur signifiai, non en paroles, puisque je ne savais pas m'exprimer facilement en anglais, mais par une pantomime vive et expressive où mes deux poings jouèrent le principal rôle, que s'ils tentaient jamais la moindre chose contre Capi, ils me trouveraient là pour le défendre ou le venger. N'ayant pas de frères, j'aurais voulu avoir des sœurs, mais Annie, l'aînée des filles, ne me témoignait pas de meilleurs sentiments que ses frères. Comme eux, elle avait mal reçu mes avances, et elle ne laissait point passer de jour sans me jouer quelque mauvais tour de sa façon, ce à quoi, je dois le dire, elle était fort ingénieuse. Repoussée par Alain et par Ned, repoussée par Annie, il ne m'était resté que la petite Kate, qui, avec ses 3 ans, était trop jeune pour entrer dans l'association de ses frères et de sa sœur. Elle avait donc bien voulu se laisser caresser par moi, d'abord parce que je lui faisais faire des tours par Capi. Et plus tard, lorsque Capi me fut rendu, parce que je lui apportais les bonbons, les gâteaux, les oranges que dans nos représentations, les enfants nous donnaient d'un air majestueux en nous disant « pour le chien ». Donner des oranges au chien, cela n'était peut-être pas très sensé, mais je les acceptais avec reconnaissance, car elles me permettaient de gagner ainsi les bonnes grâces de Miss Kate. Ainsi, de toute ma famille, cette famille pour laquelle je me sentais tant de tendresse dans le cœur lorsque j'étais débarqué en Angleterre, il n'y avait que la petite Kate qui me permettait de l'aimer. Mon grand-père continuait à cracher furieusement de mon côté toutes les fois que je l'approchais. Mon père ne s'occupait de moi que pour me demander chaque soir le compte de notre recette. Ma mère le plus souvent n'était pas de ce monde. Alain, Ned et Annie me détestaient. Seule Kate se laissait caresser. Encore n'était-ce que parce que mes poches étaient pleines. Quelle chute! Aussi, dans mon chagrin, et bien que tout d'abord j'eusse repoussé les suppositions de Mathia, en venais-je à me dire que si vraiment j'étais l'enfant de cette famille, on aurait pour moi d'autres sentiments que ceux qu'on me témoignait avec si peu de ménagement, alors que je n'avais rien fait pour mériter cette indifférence ou cette dureté. Quand Mathia me voyait sous l'influence de ses tristes pensées, il devinait très bien ce qui les provoquait. Et alors il me disait comme s'il se parlait à lui-même. « Je suis curieux de voir ce que Mère Barberin va te répondre. » Pour avoir cette lettre qui devait m'être adressée poste restante, nous avions changé notre itinéraire de chaque jour. Et au lieu de gagner Holborn par West Smithfield, nous descendions jusqu'à la poste. Pendant assez longtemps, nous fîmes cette course inutilement. Mais à la fin, cette lettre, si impatiemment attendue, nous fut remise. L'hôtel général des postes n'est point un endroit favorable à la lecture.

Je crus qu'il allait se fâcher, et je jetai un coup d'œil inquiet du côté de Mathia, qui nous écoutait sans en avoir l'air, pour le prendre à témoin de la maladresse qu'il m'avait fait risquer. Mais il n'en fut rien. Le premier mouvement de colère passé, il se mit à sourire. Il est vrai qu'il y avait quelque chose de dur et de cruel dans ce sourire, mais enfin c'était bien un sourire. « Ce qui m'a le mieux servi pour te retrouver, dit-il, ça a été la description des vêtements que tu portais au moment où tu nous as été volés. Un bonnet en dentelle, une brassière en toile garnie de dentelle, une couche et une robe de flanelle, des bas de laine, des chaussons en tricot, une pelisse à capuchon en cachemire blanc brodé. J'avais beaucoup compté sur la marque de ton linge, FD, c'est-à-dire Francis Driscoll, qui est ton nom. Mais cette marque avait été coupée par celle qui t'avait volé et qui, par cette précaution, espérait bien empêcher qu'on te découvrît jamais. J'eus à produire aussi ton acte de baptême que j'avais relevé à ta paroisse, qu'on m'a rendu et que je dois avoir encore. » Disant cela, et avec une complaisance qui était assez extraordinaire chez lui, il alla fouiller dans un tiroir et bientôt il en rapporta un grand papier marqué de plusieurs cachets qu'il me donna. Je fis un dernier effort. « Si vous voulez, dis-je, Mathia va me le traduire. »« Volontiers. » De cette traduction, que Mathia me fit tant bien que mal, il résultait que j'étais né un jeudi 2 août et que j'étais fils de Patrick Driscoll et de Margaret Grange, sa femme. Que demander de plus? Cependant, Mathia ne se montra pas satisfait. Et le soir, quand nous fûmes retirés dans notre voiture, il se pencha encore à mon oreille, comme lorsqu'il avait quelque chose de secret à me confier. « Tout cela, c'est superbe, » me dit-il. « Mais enfin, cela n'explique pas comment Patrick Driscoll, marchand ambulant, et Margaret Grange, sa femme, étaient assez riches pour donner à leur enfant des bonnets en dentelle, des brassières garnies de dentelle et des pelisses brodées. Les marchands ambulants ne sont pas si riches que ça. » C'est précisément parce qu'ils étaient marchands que ces vêtements pouvaient leur coûter moins cher. Mathia secoua la tête en sifflant, puis de nouveau me parlant à l'oreille. « Veux-tu que je te fasse part d'une idée qui ne peut pas me sortir de la tête ? C'est que tu n'es pas l'enfant de Master Driscoll, mais bien l'enfant volé par Master Driscoll. » Je voulus répliquer, mais déjà Mathia était monté dans son lit. Chapitre 17. L'oncle d'Arthur, M. James Milligan. Si j'avais été à la place de Mathia, j'aurais peut-être eu autant d'imagination que lui. Mais dans ma position, les libertés de pensée qu'il se permettait m'étaient interdites. C'était de mon père qu'il s'agissait. Pour Mathia, c'était de Master Driscoll, comme il disait. Quand mon esprit voulait s'élancer à la suite de Mathia, je le retenais aussitôt d'une main que je m'efforçais d'affermir. De Master Driscoll, Mathia pouvait penser tout ce qui lui passait par la tête. Pour lui, Master Driscoll était un étranger à qui il ne devait rien. À mon père, au contraire, je devais le respect. Assurément, il y avait des choses étranges dans ma situation, mais je n'avais pas la liberté de les examiner au même point de vue que Mathia. Le doute était permis à Mathia, à moi il était défendu. Et quand Mathia voulait me faire part de ses doutes, il était de mon devoir de lui imposer silence. C'était ce que j'essayais, mais Mathia avait sa tête et je ne parvenais pas toujours à triompher de son obstination. « Cogne si tu veux, » disait-il en se fâchant, « mais écoute. » Et alors il me fallait quand même écouter ses questions. Pourquoi Allen, Ned, Annie et Kate avait-il les cheveux blonds tandis que les miens n'étaient pas blonds? Pourquoi tout le monde, dans la famille Driscoll, à l'exception de Kate qui ne savait pas ce qu'elle faisait, me témoignait-il de mauvais sentiments, comme si j'avais été un chien galeux? Comment des gens qui n'étaient pas riches habillaient-ils leurs enfants avec des dentelles? À tous ces pourquoi, à tous ces comment, je n'avais qu'une bonne réponse qui était elle-même une interrogation. Pourquoi la famille Driscoll m'aurait-elle cherché si je n'étais pas son enfant? Pourquoi aurait-elle donné de l'argent à Barberin et à Grass and Galley? À cela, Mathias était obligé de répondre qu'il ne pouvait pas répondre. Mais cependant, il ne se déclarait pas vaincu. « Parce que je ne peux pas répondre à ta question, disait-il, cela ne prouve pas que j'ai tort dans toutes celles que je te pose, sans que tu y répondes toi-même. Un autre à ma place trouverait très bien pourquoi Master Driscoll t'a fait chercher et dans quel but il a dépensé de l'argent. Moi, je ne le trouve pas parce que je ne suis pas malin et parce que je ne connais rien à rien. » « Ne dis donc pas cela, tu es plein de malice au contraire. » Si je l'étais, je t'expliquerais tout de suite ce que je ne peux pas t'expliquer, mais ce que je sens. Non, tu n'es pas l'enfant de la famille Driscoll. Tu ne l'es pas, tu ne peux pas l'être. Cela sera reconnu plus tard, certainement. Seulement par ton obstination à ne pas vouloir ouvrir les yeux, tu retardes ce moment. Je comprends que ce que tu appelles le respect envers ta famille te retienne, mais il ne devrait pas te paralyser complètement. Mais que veux-tu que je fasse ? Je veux que nous retournions en France. C'est impossible. Parce que le devoir te retient auprès de ta famille? Mais si cette famille n'est pas la tienne, qui te retient? Des discussions de cette nature ne pouvaient aboutir qu'à un résultat qui était de me rendre plus malheureux que je ne l'avais jamais été. Quoi de plus terrible que le doute? Et malgré que je ne voulusse pas douter, je doutais. Ce père était-il mon père? Cette mère était-elle ma mère? Cette famille était-elle la mienne? Cela était horrible à avouer. J'étais moins tourmenté, moins malheureux lorsque j'étais seul. Qui m'eût dit, lorsque je pleurais tristement parce que je n'avais pas de famille, que je pleurerais désespérément parce que j'en aurais une? D'où me viendrait la lumière? Qui m'éclairerait? Comment saurais-je jamais la vérité? Je restais devant ces questions, accablé de mon impuissance, et je me disais que je me frapperais inutilement et à jamais, en pleine nuit noire, la tête contre un mur dans lequel il n'y avait pas d'issue. Et cependant, il fallait chanter, jouer des airs de danse et rire en faisant des grimaces quand j'avais le cœur si profondément triste. Les dimanches étaient mes meilleurs jours, parce que le dimanche, on ne fait pas de musique dans les rues de Londres, et je pouvais alors librement m'abandonner à ma tristesse en me promenant avec Mathias et Capi. Comme je ressemblais peu, alors, à l'enfant que j'étais quelques mois auparavant. Un de ces dimanches, comme je me préparais à sortir avec Mathias, mon père me retint à la maison en me disant qu'il aurait besoin de moi dans la journée, et il envoya Mathias se promener tout seul. Mon grand-père n'était pas descendu. Ma mère était sortie avec Kate et Annie. Et mes frères étaient à courir les rues. Il ne restait donc à la maison que mon père et moi. Il y avait à peu près une heure que nous étions seuls, lorsqu'on frappa à la porte. Mon père alla ouvrir, et il rentra, accompagné d'un monsieur qui ne ressemblait pas aux amis qu'il recevait ordinairement. Celui-là était bien réellement ce qu'en Angleterre on appelle un gentleman, c'est-à-dire un vrai monsieur, élégamment habillé et de physionomie hautaine, mais avec quelque chose de fatigué. Il avait environ 50 ans. Ce qui me frappa le plus en lui, ce fut son sourire qui, par le mouvement des deux lèvres, découvrait toutes ses dents blanches et pointues comme celles d'un jeune chien. Cela était tout à fait caractéristique, et en le regardant, on se demandait si c'était bien un sourire qui contractait ainsi ses lèvres, ou si ce n'était pas plutôt une envie de mordre. Tout en parlant avec mon père en anglais, il tournait à chaque instant les yeux de mon côté. Mais quand il rencontrait les miens, il cessait aussitôt de m'examiner. Après quelques minutes d'entretien, il abandonna l'anglais pour le français qu'il parlait avec facilité et presque sans accent. « C'est là le jeune garçon dont vous m'avez entretenu ? » dit-il à mon père en me désignant du doigt. « Il paraît bien portant. »« Réponds donc, » me dit mon père. « Vous vous portez bien ?» me demanda le gentleman. « Oui, monsieur. Vous n'avez jamais été malade ?»« J'ai eu une fluxion de poitrine. »« Ah ah, et comment cela ?»« Pour avoir couché une nuit dans la neige par un froid terrible. Mon maître, qui était avec moi, est mort de froid. Moi, j'ai gagné cette fluxion de poitrine. »« Il y a longtemps ?»« 3 ans. »« Et depuis, vous ne vous êtes pas ressenti de cette maladie ?»« Non. » Pas de fatigue, pas de lassitude, pas de sueur dans la nuit? Non, jamais. Quand je suis fatiguée, c'est que j'ai beaucoup marché.

puisque M. James Milligan était venu une fois cour du Lion Rouge, il était à peu près certain qu'il y reviendrait une seconde, une troisième fois. N'avait-il pas des affaires avec mon père? Alors, quand il partirait, Mathia, qu'il ne connaissait point, le suivrait. On saurait sa demeure, on ferait causer ses domestiques. Et peut-être même nous conduirait-il auprès d'Arthur. Pourquoi pas? Cela ne paraissait nullement impossible à nos imaginations. Ce beau plan n'avait pas seulement l'avantage de devoir me faire retrouver Arthur à un moment donné, il en avait encore un autre qui présentement me tirait d'angoisse. Depuis l'aventure de Capi et depuis la réponse de Mère Barberin, Mathia ne cessait de me répéter sur tous les tons « Retournons en France ». C'était un refrain sur lequel il brodait chaque jour des variations nouvelles. À ce refrain, j'en opposais un autre, qui était toujours le même aussi. « Je ne dois pas quitter ma famille ». Mais sur cette question de devoir, nous ne nous entendions pas, et c'était des discussions sans résultat, car nous persistions chacun dans notre sentiment. « Il faut partir, je dois rester ». Quant à mon éternel « je dois rester », j'ajoutai, pour retrouver Arthur, Mathia n'eut plus rien à répliquer. Il ne pouvait pas prendre parti contre Arthur. Ne fallait-il pas que Madame Milligan connût les dispositions de son beau-frère? Si nous avions dû attendre M. James Milligan en sortant du matin au soir comme nous le faisions depuis notre arrivée à Londres, cela n'eût pas été bien intelligent. Mais le moment approchait où, au lieu d'aller jouer dans les rues pendant la journée, nous irions pendant la nuit, car c'est aux heures du milieu de la nuit qu'ont lieu les Wets, c'est-à-dire les concerts de Noël. Alors, restant à la maison pendant le jour, l'un de nous ferait bonne garde et nous arriverions bien sans doute à surprendre l'oncle d'Arthur. « Si tu savais comme j'ai envie que tu retrouves Madame Milligan, » me dit un jour Mathia. « Et pourquoi donc ?» Il hésita assez longtemps. « Parce qu'elle a été très bonne pour toi. » Puis il ajouta encore. « Et aussi parce qu'elle te ferait peut-être retrouver tes parents. » « Mathia, tu ne veux pas que je dise cela. Je t'assure que ce n'est pas ma faute. Mais il m'est impossible d'admettre une seule minute que tu es de la famille Driscoll. Regarde tous les membres de cette famille et regarde-toi un peu. Ce n'est pas seulement des cheveux filasses que je parle. Est-ce que tu as le mouvement de main du grand-père et son sourire? As-tu jamais l'idée de regarder les étoffes à la lumière de la lampe comme Master Driscoll? Est-ce qu'il t'est jamais arrivé de te coucher les bras étendus sur une table? Et comme Allen ou Ned, as-tu jamais appris à Capi l'art de rapporter des bas de laine qui ne sont pas perdus? Non, mille fois non. On est de sa famille. Et si tu avais été un Driscoll, tu n'aurais pas hésité à t'offrir des bas de laine quand tu en avais besoin et que ta poche était vide, ce qui s'est produit plus d'une fois pour toi. Qu'est-ce que tu t'es offert quand Vitalis était en prison? Crois-tu qu'un Driscoll se serait couché sans souper? Est-ce que si je n'étais pas le fils de mon père, je jouerais du cornet à piston, de la clarinette, du trombone ou de n'importe quel instrument, sans jamais avoir appris? Mon père était musicien, je le suis. C'est tout naturel. Toi, il semble tout naturel que tu sois un gentleman, et tu en seras un quand nous aurons retrouvé Madame Milligan. Et comment cela? J'ai mon idée. Veux-tu la dire, ton idée? Oh non. Parce que si elle est bête... Eh bien... Elle serait trop bête si elle était fausse, et il ne faut pas se faire des joies qui ne se réalisent pas. Il faut que l'expérience du Green, de ce joli Bethnal, nous serve à quelque chose. En avons-nous vu des belles prairies vertes qui, dans la réalité, n'ont été que des mares fangeuses? Je n'insistais pas, car moi aussi j'avais une idée. Il est vrai qu'elle était bien vague, bien confuse, bien timide, bien plus bête, me disais-je, que ne pouvait l'être celle de Mathia. Mais précisément par cela même, je n'osais insister pour que mon camarade me dît la sienne. Qu'aurais-je répondu si elle avait été la même que celle qui flottait, indécise, comme un rêve dans mon esprit? Ce n'était pas alors que je n'osais pas me la formuler, que j'aurais eu le courage de la discuter avec lui. Il n'y avait qu'à attendre, et nous attendîmes. Tout en attendant, nous continuâmes nos courses dans Londres, car nous n'étions pas de ces musiciens privilégiés qui prennent possession d'un quartier où ils ont un public à eux appartenant. Nous étions trop enfants, trop nouveaux venus pour nous établir ainsi en maîtres,

où le brouillard nous pénètre de son humidité, il y a aussi des ciels d'azur et d'or où la bise du nord nous glace jusqu'aux os. Il n'y en a pas de doux et de clément. Ce temps de Noël nous fut cruel. Et cependant, pas une seule nuit, pendant 3 semaines, nous ne manquâmes de sortir. Combien de fois, avant que les boutiques fussent tout à fait fermées, nous sommes-nous arrêtés devant les marchands de volailles, les fruitiers, les épiciers, les confiseurs. Oh, les belles oies grasses, les grosses dindes de France, les blancs poulets. Voici des montagnes d'oranges et de pommes, des amas de marrons et de pruneaux. Comme ces fruits glacés vous font venir l'eau à la bouche. Il y aura des enfants bien joyeux, qui, tout émus de gourmandise, se jetteront dans les bras de leurs parents. Et en imagination, tout en courant les rues, pauvres misérables que nous sommes, nous voyons ces douces fêtes de famille aussi bien dans le manoir aristocratique que dans la chaumière du pauvre. Gai Noël pour ceux qui sont aimés.